est un cri, le sang qui flambe, blood qui en chie. Mais chaque jour est une nouvelle guerre. Quatre canals dans le frigidaire. Si le chauve est un bruit, on ose appeler ça une vie. Le SMIC, le RMI, dans les HLM, tout est tendu. Et pour voir le jour nouveau, se disant si la scène prend. La chance même, mais j'm'aime la personne. La poêle, recte en versant. La nuit tombe, comme désespoir. Sortir un jour du trou noir. Balance.